Oui, je viens d'arriver. Je viens direct du téléspectral et toi? Je suis là depuis un moment. Je m'amuse bien. Je crains le moment où je vais devoir repartir. Ah ouais? Qu'est-ce que cet endroit a de si particulier? Tu es venu voir ces terriens qui ne pensent qu'à travailler? Oui, ça me change par rapport aux autres confins de l'univers. Il y a moins de choses tristes à voir ici. Et maintenant, quels sont tes projets? Je sais pas. Au fil de l'aventure, je cherche des trucs émouvants. Ça me changera du grand rien habituel. J'espère que tu ne deviendras pas un visiteur en enfer. Entre ça et l'enclave de Lux, tu as une marge. Ça te dit de prendre un verre? Tu me feras découvrir ce que tu as découvert. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu proposes? Je vais passer par ma zone d'abord et ensuite, on embarque pour le premier bar, au hasard. Balthazar! Quoi? Laisse-moi choisir un endroit que je connais.